Après ils viennent te dire qu'ils t'apprécient. Moi j'ai nagé dans les eaux usagées, pas sur les plages, hein. J'espère mourir à jeun, vu que je vais pas mourir à jeun. Combien ont tourné leur veste pour faire partie de mon histoire? Je veux pas dans leur sens, ça leur plaît pas, tu veux que je te dise quoi? J'ai grandi avec violence, puissance et victoire. En parlant de moi ils tournent leur langue 666 000 fois. Qui amène pas leur sale gueule à mes funérailles. Je les ai crossés, gros c'est l'orgueil qui les finira au jugement dernier. Qui sera la poteau qui paiera? Tous prisonniers de cette vie, Inch'Allah, bientôt libérable. Je rappe pour les gens qui ont pas eu d'enfance, pas d'habitat, pas d'espace vital, pourtant on habite en France. Pour les gosses à l'hôpital, à qui personne ne pense, à ceux qui se retiennent de pleurer pour cacher la souffrance. Chacun ses raisons, mon pote. On fait ce qu'on peut, hey. Il faut que tu le saches, hein. Je suis pas mieux que toi, hey. Arrête de faire le match, hein. Chacun ses raisons. Faire du mal, du bien. C'est la vie qui a fait nous ce qu'on est. Aux autres ou à soi-même. Chacun ses raisons d'en être arrivé là où il en est. C'est le passé qui fait les choses. Et le passé on le choisit pas. Nous on choisit l'avenir. N-I-R-O. Chacun ses raisons. Sur Skyrock. Nocturne. Session classique. Le monde se crasse, m'a réveillé pour toujours le jour où. Le jour où je serai mort, je veux qu'on se rappelle. Je n'ai jamais rêvé d'une vie telle que celle que je mène. La haine, je suis pas né avec, et ça je le revendique. Pour ces acolytes qui retiennent le mélancolique. Grosse douleur dans mon cœur, ma soeur, je ne sais pourquoi. Je suis victime d'une vie qui ne me satisfait pas. Que Dieu veille sur mes pas, car je reviens de loin. Une souffrance atroce dont seul lui peut-être le témoin me tient. J'aspire à une vie meilleure. Inspire, expire, autour de moi ne sent que la rancœur. J'ai aimé un ami d'amitié, il m'a trahi. J'ai aimé une femme, elle m'a menti, donc je l'ai banni. Pour ma douleur, j'aime la femme dans toute sa splendeur. N'aime pas la voir en cachet, le noir dans toute sa grandeur. Sanction du destin, je suis atteint, endurci. L'amour a sûrement mis mon dossier en sursis. Chacun pour soi, du bon, tous comme ça t'es fixé. Les règles ont été fixées, malheureusement reste fixe. Beaucoup d'événements ébranlent nos convictions. Les confiances en personne devient notre position. La mort trop souvent flirte avec la haine. Et qu'on souveille cesse d'être. Beaucoup décèdent, beaucoup décèdent. L'amour nous a rayé. L'amour nous a rayé. Ils sont parcours, mais nous on a rêvé d'aimer. Je crois bien que nous sommes nés pour déprimer, condamner, ramer, saigner. On rêve pas tant fumer. Une douleur atroce nous enivre. C'est tu connais cette survivre. Je crois bien que c'est le destin dans la journée. C'est l'amour qui nous a rayé. Chansons d'amour nous a rayé de son tracé, de son parcours. Préférant nous ignorer de son destin, et cela pour toujours. Étant conscient, maîtrisant les événements, des enfants, les sentiments n'avaient déjà plus leur place dans mes rangs. D'oublier des profonds chagrins lorsque ton destin soudain a changé de chemin. Lorsque tes frères deviennent adversés, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Si parfois tu choisis, trop souvent tu subis. Et puis les retours de la vie font en sorte que ta douleur est bien attrante. Au fil que tu grandis, tout se complique. Les embrouilles avec les flics dans cette lance au monde de famille. Je sais un peu faire, je vais galérer et faire après. Je me contente de ces scènes en évitant les saisons sèches. Tout en fait sans regret, très peu de choses tu peux t'attacher. Si ce n'est Dieu, la famille et tes refrains. Deux sont les gens sur qui tu peux compter. En réalité, ça peut te laisser prouver pour tu plais. Au mieux, t'es en rêve, t'es en pleurer. La rime, je l'ai inversé pour ceux qui veulent me frotter. J'ai fait de ma vie un rêve et mon rêve. Une réalité, pouvoir m'exprimer à l'aide du MPC. L'amour de mon parcours m'a tellement déçu. Son message, j'ai reçu. Après lui, je conclue. L'amour nous a rayé. Ils sont parcours, mais nous, on a rêvé d'aimer. Mes enfants, les sentiments n'avaient déjà fait leur place dans mes rangs. Mais nos rêves partent en fumée. Douleur atroce nous enivre. Si tu connais cette survivre. On va dire que c'est le destin dans la journée. C'est l'amour qui nous a rayé. L'amour m'a

tu peux t'en sortir. L'espérance est vitale comme l'oxygène que l'on respire. C'est le pire des combats, la perpétuelle querelle, la saga. C'est le dominant sur le dominé. La loi du plus fric est renversée. Statistiques, sondages, prouve à ton entourage qu'un homme plein de courage peut creuser son propre passage vers la victoire. La réussite malgré les multiples configurations. Sociaux en France où t'es fort à une récompense. Go, one love pour tous les jeunes en bas des escaliers de City HLM. Je sème de l'espoir pour tous ceux que j'aime. Pour tous les jeunes de l'univers, ce message universel. Je représente, nous représentons, dédicacé à ceux que j'aime. Dans tout ce béton, dans tout ce béton. Pour tous les jeunes de l'univers, ce message universel. Je représente, nous représentons. Pense qu'aujourd'hui c'est ton jour pour lutter et vaincre. Le monde est devant toi, n'attends pas qu'il débarque. 9-7, siempre echando pa'lante. Con fe, hermano. Siembra y recolta. Depuis mon plus jeune âge, je rêve d'explorer le monde, la terre, ses mystères. Imagine des voyages en première classe, sans frontières, sans passeport, on concorde, cocktail à la main. Observons l'univers du haut du ciel, volant de plus en plus loin. Choisir son destin, être maître de soi-même. Vivre pour ce que l'on aime, malgré les contraintes du système. S'entraider, parler de fraternité, de confiance, oublier ses problèmes, ne serait-ce qu'un instant, voir des mains se serrer. Mater la télé, voir moins de misère, de barrières sociales, chômage, exclusion raciale, de police, front national. Entend les rires des enfants percés, le cœur en béton pressé, de bâtir un monde parfait basé sur le respect. Mais le monde tourne comme une roulette et rien ne changera. Quand le tout-puissant fera ses comptes, lui seul jugera. Filles et garçons, avançons d'une case nos pions. Unis, nous sommes la lumière du chemin où nous allons. Pour tous les jeunes de l'univers, ce message universel. Je représente, nous représentons. Je le dédie pour ceux que j'aime. Dans tout ce béton, dans tout ce béton. Pour tous les jeunes de l'univers, ce message universel. Je représente, nous représentons. Pense qu'aujourd'hui c'est ton jour pour lutter et vaincre, garçon. Le monde est devant toi, n'attends pas qu'il débarque. Session classique avec Youssoupha après Roca dans la nocturne. Ok, j'ai beau brailler sur des dizaines de mesures, je peux rien te dire d'original qu'un autre rappeur t'ait jamais dit. Parce que finalement nos plaintes sont les mêmes. On décrit la même réalité, on dénonce les mêmes problèmes. Titre après titre, album après album. Au point que j'ai le sentiment que tout ça n'est qu'un éternel recommencement. C'est pas un genre de gimmick où je m'esclave. Là je m'exclame sans timnique. Alors c'est tes mimiques, je suis pas ton esclave. Moi je m'exclame sur beat crasseux comme l'Erika. Trop lyrical pour une minute de silence quand Dieu blesse America. Délicat sont mes vers trempés dans la poisse. J'ai la trempe des poids lourds, le poids des mots qui ont la gouache. Le cœur à gauche comme mon bras, celui qui braque la feuille blanche. J'évite les cobras, les donibas, qu'on qu'il branche. Rien que je bronche sur nos fiascos. On fait confiance, co. Trafic qui nous finance et pas aux filles, confiance, co. Médie humaine, rien d'inédit dans mes échos, man. Toujours la même déco où Dieu et diable finissent l'ex-écho. Je m'exécute même quand le cadre est exigu. Ma zik en exil, zigzag entre les basses et les aigus. Je mélange mes fantasmes et mes peines. Comme dans ce rêve où ma semence de nègre faut en cloque cette chienne de Marine Le Pen. Je dis le mari m'en peine, et pas de farine pour les narines en peine. On me fait la guerre alors que j'arrive en paix. Je veux pas qu'on m'empêche d'interpréter ou prêter ma voix à tous ceux qui sont prêts à tout péter tout près. Du bonheur j'ai tant de mal à le saisir. Dans ma frénésie, le rap mon anesthésie en dose de 16 mesures. Si je cause le ciel azur ou d'un monde pisse, c'est une injure aux Tibétains, aux Palestiniens et à leur supplice. Les yeux se plissent mais y'a pas de parole complaisante. Tu crois qu'on plaisante dans le récit qu'on présente. Je représente l'intense bras. Ailleurs. Moi je m'en bats de la France d'en bas, je représente la France d'ailleurs. Ici on die sans suicide à la Dalida. Car d'après eux dans les quartiers y'a que des caïds et des Al-Qaïda. Maracaïda, bord, puis les trip-hip-hop à tribord. Et je combat Babylone à bas bord. Aux abords c'est le bordel. Quand la horde sème le désordre et met la police hors d'elle. C'est un rap mortel, hip-hop blues. C'est ma cassette quand rembobine car il met de l'hémoglobine sur la blouse. Entre le beat tu mets la brousse, faut que je prouve. Comme à la russe roulette j'ai que mes boules et pas de boulette proof. Youssoupha ça sonne trop qu'un fric pour mes faf et la négritude en France. Voilà un sujet qui fâche. Être black c'est un don et pas un délit. Ni un délire pour être coté dans le R&B. Ma petite Ophélie. Je veux pas que les fêlés me félicitent. Ce qui me plaît c'est faire des couplets que la plaie plébiscite. Avec l'illicite on flirte. Au ben pour ceux qui peinent. Dans la musique qui heurte à la Kurt Cobain. Meurtre au bang bang. Déguisant en bavure. Car en garde à vue on canne les peaux des ben ben. T'as vu ta vie c'est pas le bitume et les rates. vu les thunes que tu rates en croyant faire fortune en faisant du rap. Rester durable c'est primordial, mais je voudrais être prime jusqu'à la mort car j'ai la dalle à un niveau mondial. Oh mon dieu, mon sang serait jeté, car si l'amour est aveugle, la haine elle m'a toujours zioté. Je ne rejetais l'état mais nos vies entre parenthèses. Quand ça part en couille on dit que c'est parce que nos parenthèses. C'est parentise, peur du lendemain que mes gens disent. Rien de gentil, y'a que du méchant dans ce que mes gens disent. Le monde n'est qu'une marchandise pour l'Occident qui fait son bise sur la gourmandise et les vices de nos présidents. Eux nous trahissent et deviennent des pompes à fric. J'ai plus d'amour pour le chétan que pour certains chefs d'état d'Afrique. Je fais pas de détails, c'est pourquoi mon rap est strict. On vit comme du bétail, c'est pourquoi mon rap est strict. Dans mon script, j'ai plus le temps pour les sentiments. Je suis tellement dos au mur que ma colonne vertébrale est en ciment. Intensément, je parle vrai pour faire simple. Pas comme ces fous qui feignent la foi en Dieu pour faire leur guerre sainte. Sur les grandes enceintes, décris un monde infâme. Car si j'ai peur des flammes, je mettrai pas ma femme enceinte. Laisser une empreinte, faire de mon mieux pour qu'il n'y ait pas de drame. Car aucun nous n'a l'aura d'Abraham. Rien qu'on blâme quand je blabla ton blâme. Quand je clame mon blâme et mon âme, on veut la brader. Tu sais que les bavards bavent sur mon blaze. Blague sur mon blaze et à la base, j'en suis blasé. Ça va jaser, ça va jacter, gazer, sans tacter, azer, décontracter. Rares sont les contrats, nombreux sont les contraintes. Mais nous on a parié sur notre musique à 10 000 contraints. Viens dans nos contrées, avant dénigrer. Comme Sarkozy, ce fils de polonais qui n'aime pas les immigrés. Pour l'avenir, je suis pas confiant. Depuis le 21 avril, je sais que les Français sont des racistes conscients. Quand tombe le résultat hardcore, tout le monde hurle. Mais l'accident électoral est bien sorti des urnes, non. Parfois je rappe avec mes burnes, parfois je rappe avec ma tête. Mais quand je rappe avec mon cœur, ça se ressent sur mes maquettes. Je suis pas une vedette à maquer, le mac qui m'a marqué. Je prends le mac pour t'estomaquer. Tu me testes au mic et si tu gagnes, c'est la preuve que t'auras appliqué notre art avec la arme. Le savoir est une arme, maintenant je sais. Et si je verse une larme, c'est parce que maintenant je saigne. Ce qu'on nous enseigne me sidère, car on oublie de nous dire que Napoléon était raciste et sanguinaire. Depuis des millénaires, on dit que le progrès nous libère, du divin jusqu'à se croire maître de l'univers. Mais c'est fou comme les principes d'un homme s'évanouissent, et que sa foi s'évade face au pouvoir que la femme a entre ses cuisses. Quand j'use mon cuir pour penser au cul, j'accumule mes lacunes et perds mon temps qu'on pense aucune. Même si de mauvais augure, j'aimerais écrire sur les belles blondes. Mais putain, je viens du tiers monde. J'ai fait des chansons entières sur notre histoire. Soit le monde vu par les yeux d'un blédard devenu banlieusard. Pas de la poésie pour les beaux-arts. Devant leurs beaux yeux, un morceau d'Oxmo ne vaut pas Mozart. Le rap est en osmose avec son époque. Le message qu'il porte dérange les porcs qui lui ferment la porte. Sur une portée de piano, je viens m'étendre. Pour ceux qui pensent que le monde est gore seulement depuis le 11 septembre. Sinistre a bien compris c'est quoi le rap. Faire de la musique pour un éveil communautaire, pour moi c'est ça le rap. On chante notre sale rage depuis le commencement. Mais comme les problèmes sont les mêmes, c'est un éternel recommencement. Ok, j'ai beau brailler sur des dizaines de mesures, je peux rien te dire d'original qu'un autre rappeur t'ait jamais dit. Parce que finalement nos plaintes sont les mêmes. On décrit la même réalité, on dénonce les mêmes problèmes. Titre après titre, album après album. Au point que j'ai le sentiment que tout ça n'est qu'un éternel recommencement. C'est pas un genre qui mique ou je m'esclave. Là je m'exclame sans timnique, alors c'est tes mimiques, je suis pas ton esclave. Moi je m'exclame sur beat crasseux comme l'Erika, trop lyrical pour une minute de silence quand Dieu blesse America. Délicat sont mes vers trempés dans la poisse. 100% rap français, planète rap. La nocturne. Ouais. Ouais. Micro-test 1-2. Le genre qu'on gère est un mystère qu'ils ont pas découvert. Je persévère, balance du son façon trop sévère. Le faux devient vert et aussitôt il en persévère. Façon persévère, je veux pas que mon fils devienne mercenaire. Je veux qu'il aime sa mère et son dictionnaire. Visionnaire, missionnaire, idée fixée, prêt à vexer. Si ton questionnaire commence à me plaire, j'opère pépère. Si tu fais l'affaire frère, ta part du bénéfice faut que tu récupères. Un monde austère, mes chers, les poings, les coudes et les dents. Ris pas résident, ça semble évident. Celui qui écrit une lettre au président. Le mec a du sang froid, que tu sens froid, tu distant. Celui qui écrit une lettre au président. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux mon nom, c'est peu fort. Impertinent. Celui qui écrit une lettre au président. Le mec a du sang froid, que tu sens froid, tu distant. Impertinent. Celui qui écrit une lettre au président. Ouais. Un impertinent de plus faisant face aux conséquences. Ma façon d'envisager le rap est élémentaire. Par contre, quand j'ai fini mon couplet, c'est sans commentaire. Documentaire, comme la BU de la fac de Nanterre. Mensonge, on enterre. Envoie des mauvais songes en enfer. persévère pour qu'unité soit entité, que la réussite choque. Un, deux, ça suffit pas, ça me suffit pas. J'en veux plus, des frères qui réussissent, des pneus qui crissent, des virages, que nos vœux ne soient plus des mirages, des visages joyeux, paysages joyeux, mon vieux, mieux, vaut tard que jamais j'y eux. T'avoue que je crois pas au monde merveilleux ici-bas. Des belles images, c'est pour Sony et Toshiba. Paris-Bas, passe à l'action, fais mon boulot, remplace tease et bêtise par montée de l'oscilloscope. 5 ans prévu pour droite et l'extrême, je m'incruste en intrus, on voit l'instru, me voilà sur la scène, l'impertinent. Celui qui écrit une lettre au président, le mec a du sang froid, du sang froid qui distant. L'impertinent, celui qui écrit une lettre au président. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux mon nom, c'est peu fort. L'impertinent, celui qui écrit une lettre au président. Le mec a du sang froid, tu sens froid qui distant. L'impertinent, celui qui écrit une lettre au président. Ouais. Un impertinent de plus, faisant face aux conséquences. Si Jean-Marie courait aussi vite que je l'emmerde, il serait tellement loin. Avant, je les détestais, mais aujourd'hui, je les aime tellement moins. C'est physique, biologique. Au bleu, blanc, rouge, je suis allergique. Microphone branché, je me sens tellement bien. Je leur en fais baver, c'est navé, je peux les braver. La vie est une manif, la France, une vitre et moi un pavé. Un rat de marée sur un village de politiciens, ils volent tellement qu'ils savent pas nager. PDG, l'entreprise de l'impertinence provoque l'incontinence des vieillards séniles à la présidence. Qu'est-ce t'en penses? Si c'est du bien, parle-en autour de toi, faut que ça avance. Bœuf dans la plaque, je vous tire ma révérence. L'impertinent, celui qui écrit une lettre au président. Le mec a du sang froid, que tu sens froid, qui distant. L'impertinent, celui qui écrit une lettre au président. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux mon nom, c'est peu fort. L'impertinent, celui qui écrit une lettre au président. Le mec a du sang froid, que tu sens froid, qui distant. L'impertinent, celui qui écrit une lettre au président. Ouais. Un impertinent de plus, vous en face aux conséquences. Secrète connexion. Qu'est-ce qu'il y a? H-H, dans la place, mon rein. Ouais. 9-8. Qu'est-ce qu'il y a? 1, Thomas, ouais, Arouf, laisse-moi, Fab, par là. Dans la nocturne, session classique, l'impertinent, jamais dans la tendance, mais toujours dans la bonne direction. Session classique qui continue dans la nocturne 100% à français. On écoutera les X-Men dans un instant. Un 100% rap français. 100% explicite lyrics. La nocturne. Mais juste avant, il y a Rof, Benji, Jackie, Mystique, Pete Bacardi. On fait des choses dans la nocturne. Je suis le mec qu'on appelle Mystique, Mystique Amente. Rien de la chaleur ici, c'est mucha caliente. Arrête, tu sais pas feinter avec ton style emprunté. Je te laisse même pas le temps de finir. Je veux te chienter. J'ai plus de drip qu'il y a de touches sur un synthé. Sale chienté, foutu dans ta tête peintée. Moi je fracasse tout à la télé, kiff pas du tout. Cristine aux craintes, les craintes c'est une touche d'ironie teintée. Chaque passage au micro testé, tu sais que je veux pointer. Voici le petit noir, ça fait très très noir, beaucoup me détestent. Préfère un T, 3 T, je donne plus que le quinté. Dans Mystique y'a quinté, trinqué. À la mienne santé, à ma souveraineté, dans ta main T. Ton esprit, mes mots vont teinter. Sachez, fâché, un 998, mon baby C. M-Y-S-T-I-K, Mystique, exactement. Le blé 2, on fume la chose pire qu'un pédo blindé. Je vais te lâcher, je vais te lâcher, te rabot, crier à l'aide. Même si je dérange, notre même chance s'arrange. Je vais te brûler comme du que j'y ai fumé comme un spliff de zèle. M-Y-S-T-I-K, Mystique, exactement. Je vais te lâcher, je vais te lâcher, te rabot, crier. T'as une bombe première classe pour le nord, sud, est, ouest. Je vais te brûler comme du te chier et te fumer comme un spliff de Zeb. Rappeur S.O.L. où tu sais, c'est plutôt moi. Si le rap est un jeu, appelle-moi player. Si t'as l'oreille, écoute ma rime bien. Appelle-moi meilleur et belle. Le B, le A, de C, A, R, D, I. Le B à bas du B en rap dans ta stéréo. Ben un, tout le monde confond. Le rap, c'est un moyen, pas une fin. Ni un sprint, mais une course de fond. Je me focalise pas sur les histoires de meufs. N'immortalise pas ces histoires de cité de keufs. Je l'ouvre parce que la ferme c'est pour les cochons. Je suis acteur quand j'ai mon rôle à jouer et pas un autre. Lui veut être moi, elle veut être à moi et moi je voudrais être à l'affiche dans le RER du mois. Je suis pas fâché que machin ait pompé mon style. Je suis pas chat et peut-être chef, mais j'ai léché plus de nichons que toi. Bah, garde juste pour le goût, goûte. C'est pas des rimes au compte, coûte. Get, coupe toutes les têtes sur ma route. Si je vais te lâcher, te rabot, crier à l'aide. T'as une bombe première

qui danse le pogo avec Diskin. Gaz comme un bec benzène, moi c'est breakdance, boogie, les tiens font miskin. Je représente les miens comme Denzel, ex rookie, frère Dean, jamais plein de zèle. Et sur mon polo, des impacts de balles forment mon logo. Les autres font rire comme Bozo, le clown se comporte comme Ozo. Je suis une félonie, anti-viking, je crée des colonies. Black Napoléon, homme caméléon, bing, on pille le pays comme Misrine. On envahit Virgin, les villas et les villes, les piscines. On boit de la tequila, ma famille, mon coco, Shogun, nos ex-colons. Embrochés du cul au cou par des ex trop longs. Des tresses sous un collant dim, des teams, des textes trop longs. Je vois rouge comme les pots, parqués dans les réserves. Je couche avec les black squaws, squat d'un tipi, pire qu'un hippie, j'respire du pavot, pas vous. Je grave la vraie vie dans le pavé, comme les gars des grottes de Lascaux, comme Vasco. De Gama, je suis à la recherche d'espace vierge, infiltré comme Donny Brasco dans la mafia. Donc je suis parano, speed comme Martin Payne, sous cocaïne, j'ai la haine jusqu'au jean. Calvin Klein, je représente mon clan, j'ai le feeling comme Marvin Gaye, trop de flûteurs. Je suis un king comme Martin Luther. On s'organise, on crée nos propres trucs avant que tout explose, il faut qu'on s'arme. J'ai de la force pour les frères, où est mon trône? Autour aux pyramides, nique les clones, nique les clones. J'ai de la force pour les frères, les étoiles, mes seuls guides. Retour aux pyramides après des siècles. Chaque rue, chaque ville, chaque pays, chaque île, chaque continent. Ciel, l'espace, conscience, le roue, la galaxie, l'univers, l'infini. Amenez au KFC, rejoins ta femme, tout le reste. Planète Rap 100% rap français. Est-ce que tu crois que Dieu existe? Ouais, c'est moi Dieu. Toi aussi. T'es un Dieu quand tu peux contrôler ta destinée. Il y a des choses qui nous échappent. On peut jamais tout contrôler. Ce n'est pas un conte de fées, juste la triste réalité. Bien ce n'est que bien raconté. J'aurais très bien pu te dire que je suis né avec ce talent balancé. Dis non pas présentant du tchatch ou otakument. Mais voilà ce que tu vois là. Toi la magie en partie de son succès. À l'excès de ta façon qu'on sait que mec jamais vexé. Complexé par rien du tout. On s'est dit on nique tout. Calpolino en croisade du bout jouer avec nous. On était une trentaine au départ. 10 à l'arrivée. Avisé par les autorités de ne jamais y arriver. C'est comme ça. Enfant jeune homme dans les quartiers chauds. Est infaisable devient faisable quand tu me tournes le dos. Le chemin vers le succès. J'ai succès dès quelque chose de possible. Ce luxe n'était pas réservé pour nous, pas impossible. Et vu que c'était un art où l'on se démerdait pas trop mal, on est entré balancer quelques balles. Boxer les mots intoxiqués par mon flow, les sauces du chaudron. Galbo a fait ses premiers bagages sur le coudron. Je rappe mon vice puis glisse sur le macadam et tisse. Des intrigues sur mes cahiers créent l'école de tournevis. Ils sont proches, disent la manière fauche à tout bout de champ gauche. Tout approche la majorité, mais je m'accroche. Quand tout le monde reste aigri, quand tout le monde fuit maigri. Quand toutes les décisions sont dans l'ennui, c'est là que je nuis. Enfin un jour on crée l'arsenic. Inonde les ondes, débloque les blocs en briques. J'oublierai jamais ceux qui m'ont aidé ou supporté. Car on se trouve souvent seul quand on arrive enfin au sommet. La route est dure, elle est sinueuse, la route est pleine d'embûches. Elle n'est pas sûre, elle est tortueuse. Alors des fois je trébuche, mais my copain et je veux de l'avant. Arsenic trace la route, lâche pas ton plan. La route est dure, elle est sinueuse, la route est pleine d'embûches. Elle n'est pas sûre, elle est tortueuse. Alors des fois je trébuche, mais my copain et je veux de l'avant. Arsenic trace la route, lâche pas ton plan. Je cause avec mon cœur et mes tripes. Bouge pour mes sauces, ceux qui partagent et partagez mes tripes. Les roses et les moins roses, un clip. Dans ma tête, ma rose glisse sur les ondes à l'affiche. Ma gueule est plus les disques abondent et plus je connais le monde. J'ai passé le clair de mon temps à flair, à traîner dans la merde freinée, dans un trou noir entraîné. Une guerre avec moi-même, je pousse à être un battant. Fini d'être un assisté, le mec qui attend, c'est clair. Ce monde est à moi, ainsi que tout ce qui s'y trouve. Je lève la tête, prouve aux sceptiques que je peux faire du fric avec mon groove. Trouver l'issue, la sortie, le bout du tunnel. Je voulais voler mais je suis tombé, difficile de planer avec une aile. La vie ça tient rien et je l'ai appris à mes dépens. Le bien, plus difficile à faire que le mal dans ce mix serpent. Je tiens mes lyrics, les mots plus forts qu'un coup de gun. Jeune couteau mal aiguisé, revenu à viser mec le fun. La félunité manque, le reste j'espère. Blasé beaucoup sont morts au combat et le reste espère. Espère un monde meilleur, noyé sous les soucis. J'ai appris la science dans la rue, c'est de savoir prendre des raccourcis. Et boum sur ce boum boum, chaque zoom sur les up et les actes. Mon rap comme une doom doom. Claque, chaque boom, chaque soirée. Un effet boomerang, mon gang est paré. Au Big Bang, le show est carré. La route est dure, elle est sinueuse. La route est pleine d'embûches. Elle n'est pas sûre, elle est tortueuse. Alors des fois je trébuche, mais by cover et je veux de l'avant. Arsenic trace la route, lâche pas ton plan. sinueuse, la route est pleine d'embûches. Elle n'est pas sûre, elle est entière. Alors des fois je trébuche, mais vaille de vaille, je vais de l'avant. Enseigne, écrase ta route, lâche pas ton plan. Les temps sont durs, ne me demande pas de quoi demain sera fait. La vie n'est pas un conte de fées, ça je le sais. Dédicace à ceux qui disent lire l'avenir, dans les boules de cristal, dans le marc de café, Dieu seul sait. Car le monde entier, c'est lui qui l'a fait. Que dans l'homme et la femme en dernier, il a placé. Mais l'homme, c'est l'homme, il n'en a jamais assez. Personne du créateur ne peut se passer. La route est dure, elle est sinueuse. La route est pleine d'embûches, elle n'est pas sûre, elle est tortueuse. Alors des fois je trébuche, mais vaille que vaille, je veux de l'avant. Enseigne, trace ta route, lâche pas ton plan. La route est dure, elle est sinueuse. La route est pleine d'embûches, elle n'est pas sûre, elle est tortueuse. Alors des fois je trébuche, mais vaille que vaille, je veux de l'avant. Enseigne, trace ta route, lâche pas ton plan. Dis-leur seulement qu'un bolino. Dis-leur ce qu'il faut. La route est dure. La route est dure, elle est sinueuse, gars. La route est dure, elle est sinueuse. Elle n'est pas sûre, elle est tortueuse. Mais vaille que vaille, je vais de l'avant. Enseigne. La route est dure, elle est sinueuse. La route est pleine d'embûches. Elle n'est pas sûre, elle est tortueuse. Alors des fois je trébuche, mais vaille que vaille, je vais de l'avant. Enseigne, trace ta route, lâche pas ton plan. La route est dure, elle est sinueuse, la route est pleine d'embûches. Elle n'est pas sûre, elle est tortueuse. Alors des fois je débuche, mais vaille que vaille, je vais de l'avant. Enseigne, écrase ta route, lâche pas ton plan. La route est dure, elle est sinueuse, la route est pleine d'embûches. Elle n'est pas sûre, elle est tortueuse. Alors des fois je débuche, mais vaille que vaille, je vais de l'avant. Enseigne, écrase ta route, lâche pas ton plan. La route est dure, elle est sinueuse, la route est pleine d'embûches. Elle n'est pas sûre, elle est tortueuse. Alors des fois je débuche, mais vaille que vaille, je vais de l'avant. Enseigne, écrase ta route, lâche pas ton plan. 100% rap français, planète rap. La nocturne. Arsenic, Doc Gineco, MC Janik. Session classique dans la nocturne. Je préfère faire ma loi pour avoir le droit de casser des gueules dans l'allée du roi. Ouvrir des portes aux potes, faire péter des parois. Jésus, descendre sa croix, viens bénir ma résoie. Police, sextas, 8-6, roulaya. La misère est mon vice, miss. Je suis vaya. Mon son, c'est de l'immigration. L'insécurité sur les ondes de la nation. Passe-moi le mic, fuck et suck my dick. Choisis ton camp, viens danser typique. Vex, complexe, infériorité. Sexe, confort, sécurité. Rock et net, t'es des bombes. Marianne paye ses dettes façon l'Ukrainette. Je vois qu'on a tous un truc à faire. Le fouet, le fer, Jésus m'y faire. Combien de temps ils vont tester ma résistance? Me dire de rester gentil, de garder patience. Longtemps plein de musique chante ça. Pour tout le monde les mêmes droits. Combien de temps ils vont tester ma résistance? Me dire de rester gentil, de garder patience. Longtemps plein de musique chante ça. J'ai plus le droit de rien faire, même pas le droit de taire. Gère dans ma tête, perds mon temps et j'espère assis dans mon sale fer. Ça le fait pas, je perds patience quand je flaire un bon coup de pierre. Dans les mêmes galères, de merde ou part. Au quart de tour, le coup part. De n'importe où, tout se part. Où je t'arsère dans les couloirs. Combien de temps ils vont nous tester? Combien vont nous rester empestés? Les fonds nous molester. Arsenic sur les liaisons contre les groupes, on est bien se dresser. Y'a trop longtemps que notre musique déchance ça. Y'a trop d'enfants qui crient des pulsions de vie. Dis ça, dis ça, tout est sauce. Préparer la rébellion. Nique ça avec force. Laisse laisser ces millions. Le texte de loi marche, pays du droit. Tu peux te mettre un doigt des plats là chez moi, personne n'y voit. Combien de temps ils vont tester ma résistance? Me dire de rester gentil, de garder patience. Longtemps plein de musique chante ça. Pour tout le monde les mêmes droits. Les mêmes droits. Combien de temps ils vont tester ma résistance? Me dire de rester gentil, de garder patience. Longtemps plein de musique chante ça. Pour tout le monde les mêmes droits. Jusqu'à quand ils vont tester ma résistance? Me dire de rester gentil, de garder patience. Que si je suis sage un jour, j'aurai la chance d'entrer dans la danse. Mais maintenant, j'ai les yeux ouverts et j'ai conscience que plus le temps passe, plus il faut que j'avance. Pas rester à espérer qu'ils me laissent une chance pour progresser dans l'existence. Longtemps que notre musique chante ça. Bon, tout le monde les mêmes droits. Jusqu'à quand ils vont nous dire de rester gentils pour avoir demain ce qu'on n'a pas aujourd'hui. À ceux qui étaient avant nous, ils avaient dit la même chose. Aujourd'hui, ils ont des ennuis seulement. MC Jani. Me dire de rester gentil, de garder patience. Yeah. L'on contient notre musique chante ça. Autour des mêmes droits. Combien de temps ils vont tester ma résistance? Me dire de rester gentil, de garder patience. Yeah. L'on contient notre musique chante ça. Pour tout le monde les mêmes droits. Combien de temps ils vont tester ma résistance? Me dire de rester gentil, de garder patience. L'on contient notre musique chante ça. Pour tout le monde les mêmes droits. Planète Rap 100% Explicit Lyrics. Qui seront les mères de demain. Wesh wesh cousin, ma fait quelqu'un. Pour les calouches, les harbouches, les manouches. Or galouche, hardcore même quand ça galoche. Pour les cas sociaux qui font des fautes sur les murs, qui ont des lagunes. Pour les toilettes, les pirates du bitume. J'en plus chico sur le côté, qui boitent pas la frais avec un œil qui se bat en bruit. Toujours de sa frais en bruit. Pour ceux qui bougent, pas pour ceux qui chient dessus. Qui se tapent, même quand les plus gros ça mange dessus. Pour nos sœurs qui seront les mères de demain. Wesh wesh cousin, ma fait quelqu'un. Pour les calouches, les harbouches, les manouches. Or galouche, hardcore même quand ça galoche. Pour les cas sociaux qui font des fous sur les murs, qui ont des lagunes. Pour les toilettes, les pirates du bitume. Ton petit peu sur côté, qui boit pas la frère. Avec un œil qui se bat en couille. Toujours de son frère en brouille. Deux enveloppes dans l'une un big up au bled. Dans l'autre un big up aux jeunes des cités HLM. C'est pour les mecs avec ou sans permis. Les low qui dans le box, la weed dans le coffre et le 20 grammes de pops. Au charbon comme le jeune fraîche pour les flèches. 200% crevard, trop puissant, malin et rusé. Lève ton majeur bien haut si tu me sens venir. Samir elle a graillé, elle court, risque de partir. C'est pour les meufs accompagnées, les charmantes, les stylées, les pilées qui se jettent vers notre côté. Je manifeste la famille pour se l'attache. Pour les mecs de ma rue, tous ces grands à la tâche. C'est pour les gens vachants, les gros vachants, les rageux. Avec les fardeaux, Kiro, on t'a plus de joint de sanglier. Pour un fusil qui peut te faire balle, c'est un sanglier. À ceux qui t'aiment ou ceux qui te suivent, qui te font sourire ou trembler. Ceux qui te font rire jusqu'à temps l'étrangler. Les gros timbrés, ceux qui ont été quels ou quels quels. On s'en fait une semaine d'accent, j'ai sa lumière fort comme quel. On s'en vit dans la galère qu'on assimile à leur ville. Quand de la Ilia au Brossus, le Ilia et le 7 c'est milliards. À ceux qui seront toujours là pour leur familia. À ceux qui quittent la veuve, ne parle pas du milliard. Sans armes, retenant mes larmes comme Kelly Joyce. Ça concerne pas, donc là tout de suite éteins ton poste. Ceux qui ont compris que la vie est ce que t'en fais jusqu'à ta mort. La vie ce n'est pas un film, dans ton quartier serait le décor. Pour ceux qu'on bien connu et côtoyé l'inoubliable. Ça fait partie de notre passé, de ces choses ineffaçables. Ceux qui très tôt ont accusé de mec à part sur le bitume. De par leur attitude, ça c'est de la part d'Oji Bitume. Pour ceux qui s'y payent un loyer, mon bled disent d'être propriétaire. J'ai pas passé ma vie à jouer le sparring partner. Ce mais aussi celle qu'on le somme sur SSL. Pour ceux qui veulent des parts, en plus des barres à l'assassin. Pour les cas sociaux qui te font peur, qui font le beurre. Toujours à l'heure exacte quand les transats. Fini sur un transat à Pattaya. Gros dit que ça compte toujours la barre. Tu passes à la barre. Pour l'anglaise, la taille, tout seul là-bas. Pour les croyants, les vaillants, qu'on peut culture immature. Et vos riz au couscous, au bout de ceinture. À la place ouvrière, les darons et boueurs. Daronne qui savent dans les travaux sanitaires, dans la douleur. Pour les pucelles, celles qui puent pas de la chatte des aisselles. Qui prennent soin d'elles. Pour la cuisine, la vaisselle, qu'on fait le mariage l'aile. Et yo, pour les pilotes de voitures puissantes, routines. Les poteaux qui roulent en chaise roulant. C'est pour les mecs qui sont posés derrière quand il fait chaud. Qui squattent les bars, les billards, genre des banlieues paro. Pas pour les personnes de coffre, ceux qui va être à ton box, c'est ton coffre avec un douce coffret. Pour ceux qui sortent vos gosses poteaux, sous le soleil en été, qu'un est en main dans le ghetto, hiver comme été, ensuite la suite, mec ensuite poursuite, délite cuite, même sous cuite. Pour ceux qui foncent, défoncer le son dans les oreilles, et baisse la PS2 toute la nuit pour trouver le sommeil. Pour ceux qui foutent des KO, parce que pas au vert tarot, des tarés, tous parés pour cargo. Pour ceux qui ont les bagages prêts à partir, soit pour embarquer ou sortir du sas avec la tirelire. Ceux qui font tout pour pas se faire alpaguer. Les dingues, ceux qui accélèrent, les morts du désarme, castique leur flingue. Ou ceux qui aiment les virer by night, quand tu nous croises en volant. Celui qui bombarde, c'est Mika et Night. Ceux qui n'ont pas internet, honnête. M'a te fait divers de leur fenêtre. Les mecs pas trop nets, à qui on met les gourmettes qui baissent le patronat. 24 sur 7 envers nous, l'État a des dettes. À tous ceux qui chantent nos hymnes, t'as le chant libre. Et tous ceux comme pseudonyme et qui sentent libre. Eh, hey, laissez passer ma dream team. On se retrouve au mic, c'est peut-être les moments les plus intimes. Fini la routine, y'en a marre d'être les victimes. Parce que l'amour nous a déjà rayé comme le maillot de l'Argentine. Mon rap c'est le capitaine, c'est lui qui porte le brassard. On est là pour faire vibrer les ghettos comme Boissard. Pour les plus durs, pour les plus tendres. Pour ceux qui aiment les gangbangs et se faire masser comme en Thaïlande. C'est un bon plan, vas-y mec. Pour ceux qui ont jamais lâché le grec, mon grec. Hey, à part ça, qu'est-ce que je voulais dire? C'est pour le meilleur et pour le pire. Pour ceux qui ont le nouveau capri, pour des sons de cuir. Pour les cafri, pour tous ceux qui ont acheté des points sur les i. C'est pour ceux qui sont partis, c'est pour aimer, c'est LA. C'est les mecs qui votent, ceux qui trappent pour leurs potes. Ceux qui cherchent le jackpot, ceux qui donnent la vie. C'est pour ceux qui souffrent, pour les dos, pour les mettre à corps. Pour tous ceux qui mangent pas fort, pour tous ceux qui tombent dehors. Ça c'est pour les mecs qui plaisantent pas. Ils veulent pas rigoler avec toi. Pour ceux qui bougent, pas pour ceux qui chient dessus. Putain, même quand les pleuvois ça marchait dessus. Pour nos sœurs qui seront les mères de demain. Wesh wesh cousin, va faire quelqu'un. Pour les calouches, les harlouches, les manouches, leurs garlouches. Pour même pour sa galoche. Les personnes sur qui font des creux sur les murs. Pour les lagunes, pour les toilettes, les pirates du bitume. Dans le petit peu sans côté. Qui boitent pas la fer des canettes. Ils croient en Louis, dans le volet en bruit. Pour ceux qui bougent, pas pour ceux qui chient dessus. Qui savent, même quand les pleuvois ça marchait dessus. Pour nos sœurs qui seront les mères de demain. Wesh wesh cousin, va faire quelqu'un. Pour les carlouches, les arbouches, les manouches en carlouche. Parfois même quand ça caloche. Regarde ceux qui font des fautes sur les murs, qu'ont des lagunes. Pour les toilettes, les pirates du bitume. Toujours plus chicots sur le côté. Qui boit pas la frère avec un nez qui se bat en couille. Toujours devant frère en grouille. Grosse session classique pour finir cette deuxième heure de Nocturne avec un instant pour ceux de la Mafia Quinfri. C'est fini pour la Nocturne, ça revient dans une semaine dernière de la saison, à pas louper la semaine prochaine. Passez une bonne nuit. Lundi, je vous retrouve aussi entre 20 et 21 dans Planète Rap et toute la semaine prochaine pour le meilleur de la saison écoulée, la saison 2013-2014. C'est à vivre toute la semaine prochaine entre 20 et 21 à pas louper. Passez une bonne nuit, un beau week-end, bonnes vacances si c'est le cas. Prochain rendez-vous avec la Nocturne dans une semaine. Ciao. Yo. Skyrock. New hip-hop.